changé le mot t'es pisti. Mon la caille pas de faire musique. Chaque fois vous mal gentil balle. Faut me sauver ça yon pas qu'on est. Le mot se joué balle moins rentré. Pardon je t'aime, bâton ramassé. Moi pas jamais découragé. Persévérer jusqu'à la fin. Moi pas jamais découragé. Moi persévérer jusqu'à la fin. Changer le mot t'es piti, mon la caille pas de faire musique. Chaque fois vous m'a joué un petit bal, faut me sauver ça yon pas qu'on est. Et moi se jouer bal, moi rentré. Bâton jeté, bâton ramassé. Moi pas jamais découragé, persévérer jusqu'à la fin. Moi pas jamais découragé, moi persévérer jusqu'à la fin. Mais jodi a, musique menem en Europe. Moi visiter l'Amérique. Moi j'ai un contrat pour l'Afrique. Mais je dis à musique menée en Europe. Moi visiter l'Amérique. Moi j'ai un contrat pour l'Afrique. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'en fini. On va décourager. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'en fini. On va désespérer. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'en fini. On va décourager. Nous-mêmes qui derrière, nous-mêmes qu'en fini. On va désespérer. Faut nous travailler. Pour nous réaliser, faut nous faire effort, pas décourager. Faut nous travailler pour nous réaliser. Faut nous faire effort, pas décourager. Nous-mêmes qui derrière, faut pas décourager. Nous-mêmes qui derrière, faut pas désespérer. Nous-mêmes qui derrière, faut pas décourager. Nous-mêmes qui derrière, faut pas désespérer. Deux pas à gauche, marche en arrière, qu'aimer. marche en avant. Qu'est-ce là, de bas à droite, de bas à gauche, marche en arrière.